Au Bangladesh, le parti Jatiya, le parti socialiste et le parti communiste marxiste-léniniste ont publié une déclaration commune contre les paroles du président américain sur la destruction complète de la République populaire démocratique de Corée.